1 heure. Rien qu'une assiette sur une petite table. Le temps s'est assombri, plus de soleil. Je regarde les reflets droits dans les pieds des verres, couchés sur une cuillère d'argent qui se bombe en moitié d'œuf, un point brillant au rebord d'un plat et le manche noir du couteau, funèbre sur la nappe dont la blancheur est une solitude. Des fleurs, venues de trop loin, se fanent dans le porte-bouquet, un tube de glace. J'ai froid, je n'ai pas faim, je voudrais faire autre chose maintenant que de manger. Mais que faire? La neige recommence à tomber, personne ne viendra partager mon repas. Un œillet qui pend tristement devant moi est mauve et ruché comme la mante d'indienne de ma grand-tante Adélaïde qui ressemblait à la mère de Rembrandt. Comment était-ce de son temps? J'étais petite, j'écrasais ma figure contre la vitre pour la voir arriver du bout de la cour. Elle avait gardé le vieux costume flamand, le bonnet de dentelle, dont la bise, en retournant le volant, faisait une roue blanche autour de sa tête, la robe de drap, ronde et plissée, qui découvrait les souliers bas, le grand fichu à ramages, croisé sur la poitrine, et le tablier de faille. Elle trottait, aussi rapide qu'une jouvencelle, sentait la giroflée et le bois des îles, et riait comme à 20 ans. 1 heure sonnait au cartel laqué couvert de chinoiseries dorées. On dînait. Comme il y avait toujours dans la cave de grands pots de grès qui conservaient les herbes, la soupe en plein hiver fleurait le cerfeuil. On me perchait sur une chaise haute, il y avait des visages partout. La chambre était comme un nid. Oui, je sais, c'était vivant dans ce temps-là. Je sentais une ouate douce autour de mon cœur d'enfant. Je trouvais la poitrine de mon grand-père pour m'y appuyer en écoutant marcher sa montre dans la poche de son gilet. Il se faisait des silences. L'asthme de ma grand-mère chantait comme une bouilloire. On entendait retomber la cascade dans le bassin de la véranda où flottait une odeur de terre fine et noire. La broderie des lycopodes rampait au pied des palmiers et j'aimais caresser l'envers des feuilles de saxifrage qui ont des poils soyeux et sont rouges et molles comme des oreilles. Il neigeait pendant des journées entières et quand je sortais, je me promenais dans des fortifications brillantes qui dépassaient la plume de mon chapeau. Alors j'aurais donné tout mon dîner aux merles, aux pinsons, même aux corneilles qui coassaient au-dessus des champs. La neige, cependant, ne me paraissait pas froide. Je voyais les flocons plus grands. Elle me semblait une bonne dame qui venait, aux abords de l'usine, habiller les grands corps des générateurs et des machines délaissées, comme dans le jardin, le mûrier trapu qui me gardait entre ses branches de longs après-midi d'été. Elle étalait une belle couverture laineuse sur les toits, plus moelleuse à regarder que le boa de cygne qui me réchauffait le cou. Dans le cimetière, attenant à notre enclos, elle déployait un grand linceul pour tous les morts. Il neigeait, j'étais contente sans savoir pourquoi, sans doute parce que j'étais petite, ignorante et choyée. Des mains attendries me portaient. Souvent, pendant la mauvaise saison, s'en venait frapper à la porte la pauvresse d'Estrée, qui avait fait des lieux depuis le matin. Une conjonctivite invétérée cerclait ses yeux de vermillon comme ceux des vieilles de Goya. Sa jupe, criblée par la misère, lacérée par des mâchoires féroces, figurait l'étendard souillé qui revient de la bataille, et l'on voyait la fantastique maigreur de ses jambes plantées dans des souliers d'homme où ses pieds dansaient. L'hiver entrait en elle par les 100 déchirures de ses lamentables vêtements, elle grelottait, ses mains ardoisées me faisaient penser aux pattes des poules, et sa vue me plongeait dans une oppression qui durait jusqu'au soir. Dans la cuisine, il y avait pour elle du café chaud et des tartines. On lui donnait des bas, du linge, des choses qu'elle plaçait dans un panier démoli. Mais au bout de peu de temps, elle revenait aussi déloquetée parce que cela devait être et que sa navrante destinée de pauvresse était écrite avec les larmes et le sang tombé de ses paupières tuméfiées. Cette femme personnifiait la rafale, les nuits méchantes, toutes les duretés de décembre qui gémit chez nous par la plaine et le long des canaux. Et cependant, j'aurais voulu montrer le courage de l'embrasser, de mettre ma joue ronde contre sa joue ruinée, pour réchauffer ce cœur délabré, qui devait être comme un caillou. Aujourd'hui, dans mes promenades mélancoliques, Quand le temps est gris, je revois se profiler à l'horizon cette silhouette en détresse, fouettée par le vent. Elle est dans le passé, et le passé, c'est l'hiver du cœur. Ce sont les parterres dévastés, les arbres secs, les feuilles emportées, ces jours verts illustrés de jadis. Depuis lors, je suis descendu dans des abîmes en écorchant ma chair aux parois abruptes. Qui ai-je vu des bêtes de proie, des corps broyés? J'ai marché sur des routes étrangères, offert mes épaules au fardeau. Vers d'autres, j'ai tendu les bras, mais les épaules cèdent, les bras se fatiguent et l'âme se crispe à mesure que s'allongent les souvenirs. Un crépuscule cendré enveloppe le lointain où s'alignent des tombes. Quand je retourne en pensée vers les maisons désertes et les potagers abandonnés, je ne puis que regarder et me taire, car devant l'avenir seul, les questions se posent. Je ne me demande pas pourquoi mes grands-parents dorment sous un bloc de granit de l'autre côté de la haie, pourquoi mon père s'est éteint dans mes bras une nuit d'août, tandis que le ciel étincelait et que, par la fenêtre ouverte, on apercevait des roses, pourquoi la petite fille s'en est allée pour devenir, passé la frontière, une femme douloureuse, vouée à de constants regrets. Je ne me demande pas pourquoi je suis seule, à présent, en face de la montagne blanche, attristée par le deuil des forêts. Ah, si la vie était meilleure, elle ne nous laisserait pas nous pelotonner dans la chambre tiède, d'où l'on ne voit rien. Elle aurait pitié, plutôt. Elle nous prendrait et montrait tout en haut du clocher où se tient l'oiseau, et là, elle dirait « Ouvre les yeux, tourne-toi vers les quatre points cardinaux, et sache reconnaître les souffles. Prends garde. Vois-tu tous ces chemins là-bas? C'est par là que viendra jusqu'à toi celle qui nouera sa ceinture autour de ta tête, la pernicieuse et multiforme illusion. Chasse-la. C'est par là que viennent l'ambition, l'amour, la fortune peut-être, le chagrin sûrement. Sache que l'ambition souvent s'arrête les jambes brisées, que l'or ne tient pas tout ce qu'il promet, que les femmes ont facilement deux visages et quatre mains, que les hommes peuvent s'agenouiller, mais aussitôt se relèvent et s'en vont, que le chagrin est fidèle. Il te suivra jusqu'à l'heure du dernier sommeil, peut-être te fermera-t-il les yeux. Oh, si j'avais su, comme j'aurais regardé, mieux que je ne regardais le village voisin par-dessus le mur, quand le vieux Jean lançait très fort l'escarpolette. Mais le fauteuil redescendait, le paysage avait disparu. Je ne savais rien. Le soir, quelqu'un bordait mes draps fins. Le chien aboyait, on disait « Roseau, donne, qu'est-ce qu'il y a ?» Il neigeait, il n'y avait rien. 2 heures. Vieille ville, à cheveux blancs couchés en bandeaux sur les toits, tu es assise à ton rouet, filant la soie de l'eau, cette eau longue, destinée à la mer, que j'ai suivie jusqu'à la voir se perdre dans les flots. Te dirai-je ce que je sais de sa marche à travers d'autres cités, tes sœurs inconnues, d'autres campagnes que tu ignores, et ce qui coulait de mon âme avec elle dans un voyage solitaire? Écoute-moi, car tu ne connais que ce ruban coupé que te montre la courbe de la vallée. Vois, la neige est répandue comme le sel sur les montagnes qui t'entourent, les forêts sont noires, et le vent plein d'amertume. Je te sens taciturne et délaissée, car je devine les secrets dormants dans ton sein de pierre. Comme moi, tu ronges ta mélancolie. Allons ensemble vers le soleil. En emportant ma tristesse, avec l'espoir d'en perdre un peu chaque jour, et le désir de fuir mon propre cœur, un matin, je partis. Je m'arrêtai d'abord au pied d'une colline verdoyante, dominée par une énorme basilique. Là-bas, le fleuve est large, comme un lac, enjambé par des ponts immenses, et les barques qui n'osent point naviguer à tes pieds, où l'onde encore est sauvage, montent et descendent tout le long du jour, son courant asservi. Là-bas, les quais grondent et roulent sans cesse, la vie court au négoce, au plaisir, et le soir n'est pas silencieux. Dès que le jour a fui, des pilotis de lumière tombent des bords dans l'eau ténébreuse, et la ville continue à besogner dans la nuit, Je la quittai pour un autre endroit plus paisible. Délivrée des rampes de pierre, l'eau qui reprend sa liberté s'en va flânante entre les rives vertes, affranchie de son étau. Comme elle, je respirais plus joyeusement. Les prés s'étendent et des rangées de peupliers frissonnent par-dessus les roselières sensibles. Tout est calme et doux jusqu'au fond de l'horizon plat, mais peu à peu, les coteaux se soulèvent. Nichée dans un vallon, une autre ville apparaît, où se dresse le temple d'Auguste et de Livie. Le soleil était déjà très bas quand j'y parvins. Sur la nappe mouvante, il répandait une lueur rouge, striée de bandes d'un vert de flamme. Toutes les maisons trempaient dans une vapeur mordorée qui les embellissait. Je m'accoudai à la balustrade du pont de Sainte-Colombe. Ainsi se nomme-t-il. Je voudrais te dire la douceur désespérée d'un soir, où l'on est seul en face du jour agonisant, parmi ceux qui ne savent pas même votre nom. D'un soir où l'on pourrait mourir aussi misérablement que va mourir la bête dans un coin retiré, ne laissant guère plus de traces qu'un pas sur la poussière, que la fumée hissant du toit. Des gens passaient. D'où venaient-ils? Où allaient-ils? Aucun regard ne devait me sourire, aucune main cherchait ma main, et toute ma chair tremblait d'abandon, comme une veuve endeuillée qui vient de voir s'éloigner le convoi. J'étais aux prises avec cet absolu dénuement de l'âme qui donne envie, si tel était notre pouvoir, de se laisser sombrer sans regret, de l'instant dans l'éternité. Toutes les affections qui m'ont entourée tombaient comme un manteau dégrafé quitte les épaules, et j'interrogeais de loin les logis d'aspect indifférent et nouveau où rien pour moi n'existait. J'éprouvais alors que, dans les lieux où l'on est ainsi dépourvu d'attache, il semble que tout à coup, désabusé en face d'une indépendance sans tendresse et sans responsabilité, l'on ait hâte de courir où sont rivées les chaînes du travail, de l'amitié, de l'amour, et de les passer à nouveau autour de ses bras, de son cœur, afin, sous leur poids, de reprendre le véritable sentiment de l'existence. Ainsi je songeais, lorsqu'ayant atteint l'autre rive, je rencontrai un homme d'aspect modeste et tranquille. Je lui parlais. Nous étions sur une petite place qui se cache derrière une grosse tour, à deux pas du quai. Le jour s'endormait tout à fait, à peine distinguai-je les traits de mon compagnon d'un moment. C'était un sage. Il disait « Voici ma maison, elle est humble. Mon père y vécut, il y rendit le dernier soupir. J'y suis né, j'y vis à mon tour. Et c'est là que j'espère finir en paix mes jours. » Mon inquiétude errante écoutait. Elle eût voulu pénétrer avec l'étranger dans l'honnête demeure, s'asseoir auprès de l'âtre, se faire toute petite, pour avoir le droit de rester devant la bûche, à côté du chat qui, à la même place, regarde chaque soir la lente agonie des braises. Mais elle ne devait pas franchir ce feuille patriarcal, et la porte au visage énigmatique se referma. Le lendemain, le crépuscule me retrouva dans ce carrefour qui m'attirait. Je pénétrai dans un jardin dont la terrasse surplombe le cours des eaux. Tout y était abandonné, et parmi les feuilles sombres des orangers, des fruits pesants, suspendus comme des lampes d'or, luisaient. Il y avait là une odeur mortuaire de chrysanthèmes étiolées, et des souvenirs affaissés sur des dalles disjointes. Lesquels ? Je ne voyais pas. Sous leurs capes obscures, leurs lèvres amères et leurs yeux désolés. Une heure morte, couchée parmi eux, se leva. Elle arracha son voile, et je reconnus l'île rêveuse où croissent les mandariniers, où les pans sous les cèdres sont de vivants joyaux. Je revis le palais qu'habite le silence, les grangeons élégants, les bordures fleuries des liotropes, et les grilles puissantes qui arrêtent les femmes énamourées, prêtes à s'enfuir sur le lac. Je tendis les bras vers une figure de mystère qui me regardait, un doigt sur la bouche, et puis plus rien que l'infatigable remous sonnant sous mes pieds. Dans le vent du soir, quelque chose passa qui était tendre et s'appuyait comme un baiser. Mes pas me reportèrent sur le chemin où s'entrelacent les ronces et les chèvrefeuilles, et je continuai à descendre. Quand on souffre, mieux vaut poursuivre sa route, car la douleur qu'on berce en marchant se prend à crier dès qu'on se ralentit. Les abords du fleuve deviennent alors marécageux, les canards et les foulques s'ébattent dans les mares, et le lit va, tantôt s'arrondissant en un vaste bassin, tantôt divisé en deux bras étreignant des îlots allongés que l'on sent constamment en désert. En face d'une montagne abrupte, d'un jaune éclatant, surmontée d'une ruine hardie, la troisième ville s'étageait. C'est là que sur la berge parut un chien souffreteux qui marchait sur trois pattes. J'ai vu la cathédrale qu'on aperçoit de toute la vallée et la maison des têtes où se gonflent sous la corniche les masques des quatre vents. J'ai vu les rues anciennes qui cheminent sur la pente en forme d'escalier. Mais je n'ai bien retenu que le regard suppliant de cet animal blessé qui me disait « Vois mon mal, que vais-je faire à présent ? Personne ne me soignera. Les enfants me tireront les oreilles. Je serai un objet de risée et la maison de mon maître est si loin. Je ne peux plus. Je ne peux plus. » Fraternellement, j'ai passé ma main sur le poil rude et poussiéreux. J'ai dit au chien, il t'a semblé me voir marcher d'un pas alerte, et certes, maintenant tu ne me suivrais pas, mais sache qu'en réalité, je me traîne tout autant que toi, et bien plus loin de ma demeure. La blessure dont je souffre est tout au fond de mon être, et souvent elle m'empêche d'avancer. Nous sommes aussi navrés l'un que l'autre, mon pauvre chien. En face de moi, imprégné de soleil, l'eau riait et chantait. Le fleuve bondissait comme un adolescent qui fuit, loin des leçons et de l'étude ennuyeuse, je lui en ai voulu de sa gaieté. Et j'ai poursuivi mon voyage, toujours le côtoyant. Après avoir traversé de nombreux villages, aux toits plats et roses, faisant un détour, je m'arrêtais à la nuit devant le théâtre antique et muet qui couvre une place de son ombre. J'entrais dans l'enceinte où la lune, comme une reine, faisait onduler sa traîne bleue. Sur le marbre blanc des gradins, je me couchais et demeurais attentive. Le vent d'automne froissait les feuilles déjà sèches des grenadiers et des figuiers, seuls ornements de la scène convertis en sylves et craquelés. Que te dirais-je ? Ma souffrance était étendue près de moi. 18 siècles sont dressés contre la muraille gigantesque et délabrée, majestueuse encore. Je regardais. « Je t'en prie, dis-je à ma triste compagne, endors-toi, que je goûte en paix cette vision grandiose. Laisse le passé me consoler du présent. » Mais, comme un serpent plein de traîtrise, elle s'enroula autour de mon buste. Pour la millième fois, sa tête fora un trou à la place de mon cœur, et dans sa cachette coutumière, fouilleuse et dévorante, elle s'abreuvait de mon sang. Sous les arcades ébréchées du cirque, des fauves rôdaient et les belluaires les frappaient violemment pour leur faire réintégrer leur cage d'ombre. Des mimes passaient et des tragédiens sous le masque et des courtisanes fardées. Que n'ai-je pas vu ce soir-là, tandis que l'empereur, la tête appuyée sur sa main, songeait. Quand je me levais, ma forme s'allongea sans fin sur la blancheur des bancs circulaires et comme une traînée de mort me suivit. Mais la ville n'écoute plus. Aïeul, aux cheveux de neige, à quoi bon te parler des terres d'or, du pays des cyprès ? C'est l'hiver, tu penches la tête, somnolente, ton rouet tourne et l'eau passe, qu'elle emporte mes souvenirs. Tu as raison de n'être point curieuse, ta simplicité te suffit. Conserve ton égale mélancolie, sans savoir pourquoi, jusqu'au jour où l'amandier refleurira dans la vigne. Mais moi, pour vivre, je dois me rappeler l'été. 3 heures. Belle vie d'été, persistante en mon cœur, ô fille généreuse qui retient dans tes cheveux la paille des moissons et sur tes lèvres la pure essence des fruits, fantôme doré des longs jours enivrés, lève-toi et regarde, montons vers les rochers. Là, je me suis étendue dans les bras de la nuit frémissante, sur mon front, des milliards d'étoiles tremblaient, et le grillon charmait la chaude obscurité. Là, j'ai senti mon âme embrasée s'élargir jusqu'à la forêt mystérieuse, jusqu'à l'invisible glacier, comme une cuve immense où roulait le vin bouillonnant de tous les rêves, de tous les désirs, de toutes les voluptés. De mes mains, je croyais saisir des mondes, de mes yeux, embrasser la fin des étendues de ma bouche, lancer un hymne triomphal qui retentit par-delà tous les royaumes, par-delà les eaux fermées des Pacifiques, par-delà l'infini des infinis. Oh, mon ami, donne-moi tes mains rouges. Mets ton visage contre le mien. Laisse-moi me pencher sur ton corsage ouvert et dis-moi pourquoi cela n'est plus. Toi, nuit morte, debout dans ton linceul bleu, je veux entendre les paroles de juillet, que la glace se rompe et que les fleurs jaillissent. Rends-moi la terre amoureuse et brune qui, sous mes flancs heureux, puissamment respirait. Rends-moi les baisers, tous les baisers. Les baisers de la vallée murmurante, chanteuse de cantiques, les baisers des parfums, les baisers du vent frôleur qui courait sur ma face ravie, les caresses de l'ombre ensorceleuse courbée sur moi. Je tends les bras et me voici comme une croix vivante plantée dans le gel. Hiver cruel, mon front saigne de tes épines, mes paumes sont trouées à tes clous, ton fiel glisse entre mes dents, et ton poing froid voudrait me percer le cœur d'un glaçon, mais mon cœur est une flamme. Va-t'en. Je ne sens pas les coupures qui lacèrent mes joues. Je ne sens pas le fil de ton glaive sur mon cou, et c'est en vain que tu rends mes pieds lourds. Elle triomphe, la fée d'été, la belle au sein droit, aux hanches magnifiques comme une large amphore. Tu crois m'aveugler de ta neige, et je ne vois que la blanche résurrection des clématites. Des voix montent, la grande voûte est remplie de clarté, et les rochers qui se souviennent te repoussent. Tu es vaincu, parce que là, blême d'amour, entre les bras de la nuit frémissante, je me suis étendu. 4 heures. Un homme que je ne vois pas coupe des branches à l'abri d'une palissade et dit « J'avais un ami, je le croyais du moins, mais il n'était pas un ami. » À ces paroles, j'ai vu les saisons du cœur qui marchaient devant moi, le printemps où l'amitié s'ouvre comme la fleur du péché, l'été qui arrondit le fruit où l'on mord avec confiance, l'automne qui fane, l'hiver qui tue. Il n'était pas un ami. C'est l'emprise de la glace, et j'ai plaint cet homme déçu. Comme il est dur de ne plus croire quand on a cru, et de replier les habits de joie pour revêtir une livrée de deuil. Avoir un ami, c'est acquérir un vase précieux, où se déversent et se clarifient nos amertumes. C'est posséder une autre âme, qui espère quand la nôtre se décourage, qui sait quand la nôtre doute, qui se relève quand la nôtre est terrassée. C'est avoir foi en la fidélité du veilleur qui attend pour nous ranimer lorsque l'âpreté des jours donne à nos espérances un éclatant démenti. Avoir un ami, c'est connaître celui dont on peut dire avec Montaigne « Je l'aime parce que c'est lui, parce que c'est moi. Mon âme est allée vers lui comme à une fête, elle a mis ses beaux atours, elle lui a offert des gerbes fleuries. Assises à la même table, nous avons ajouté à la fadeur quotidienne un délicat assaisonnement. Ma main s'est reposée dans sa main, à son contact, elle a reconquis les forces perdues, et du jour où je l'ai aimée, en moi ont prospéré deux vies qui, l'une par l'autre, s'équilibraient. Alors s'est allégé le poids de ma pensée, de mes incertitudes, de mes douleurs. Tout a été partagé. Comme je gardais la moitié d'un gâteau pour lui donner, je lui conservais la meilleure part de mes aspirations cachées, et lui me découvrait les siennes. Je sentais ma poitrine s'élargir pour faire une grande place à nos deux cœurs. Tout était heureux comme un jardin en août, qui voit se réaliser les multiples promesses d'avril et la souriante statue d'Euphrosyne érigée dans la fraîcheur des lierres. Assis sur le banc, à l'ombre des feuilles serrées, nous parlions en paix, tandis que déclinaient les heures trop brèves de notre intimité. 4 coups sonnaient, le vent de la vallée réveillait les groseilliers tranquilles dans la chaleur. On entendait des cris d'enfants, un chat jaune dormait sur une pierre. Entre mes doigts, les doigts de mon ami étaient un gage de sécurité. Mais que la main s'ouvre et que la pression se relâche, que la triste brume d'automne glisse entre les âmes des alliés qui ne se voient plus, que le soupçon insère sa lame dans les liens si bien enchevêtrés. Alors le froid tombe, et vient l'hiver, cette saison déteinte, sans odeur, l'hiver qui nie et murmure il n'était pas un ami. 5 heures. Comme il fait froid, le vent se plaint et les passants vont vite. Je vous en supplie, jetez la clé de cette armoire où est suspendue la robe d'été aux larges manches qui tombaient, la robe au volant de dentelle. En elle habite une ombre qui me ressemble, mais qui n'est pas moi, car elle sourit. Laissez-la reposer. Si elle ouvrait les yeux, elle verrait l'hiver à la fenêtre. Elle saurait que tout est fini. Or, son sommeil est enchanté. Elle a connu le bonheur. Sa demeure était solitaire et mystérieuse, baignée de somptueux reflets. C'était au temps où les cigales craquent contre le tronc des poiriers, où les jours cléments font croire que la vie se prolonge et qu'on aura le temps d'aimer. Ce n'est là que la folie vagabonde qui court par les sentiers, avec ses grelots de prunelles bleues, les soirs d'août, quand les champs défaillent, que les cœurs sont altérés et que les roses pâlissent et s'éteignent contre les murs incandescents. Mais l'unique, la sublime folie qui se paie avec les trésors amassés au fond de l'être, avec les belles larmes en diamants puisées à la mine des douleurs. Ceci, l'ombre qui repose dans la robe légère ne le sait pas. Elle a entendu les cloches blanches des campanules qui sonnaient des volées de fête, les lys comme des sceptres royaux, les anémones si tendrement mauves, enorgueillissaient son jardin. La fontaine, de l'aube au soir, disait une cantilène enivrée. Elle, assise sur le seuil brûlant, attendait. Le vertige de vivre marchait dans les sentiers du pré. Il lui prenait la main et la baisait. Il versait son regard ébloui au fond des yeux noirs de l'ombre et riait. Dans l'air se balançaient des mots qu'on ne saura jamais et des caresses comme des oiseaux de nuit, silencieuses, s'abattaient. Quand l'ombre eut appris ce qu'enseigne la radieuse folie, quand vint le premier frisson d'automne sur ses bras nus, elle s'endormit. N'ayez point cette cruauté d'ouvrir l'armoire où la robe est suspendue, la robe aux larges manches qui tombait. Ne tuez pas cette ombre qui sourit.